quand je suis rentré. Quelque chose a craqué, un bruit de colle cassée, un chant de bol froissé. C'était la nuit, faisait noir, tête dans le brouillard. J'aurais pas dû boire autant, j'ai renversé un enfant. Mais revenons, mon mouton, plutôt d'un chaton. C'est pas facile à dire, je voulais pas le faire souffrir. Mais ton chat, sous les roues du cambou, aplati comme une bouche d'égout. Ton chat est sous les roues du cambou, du sang et des boyaux partout. Ton chat est sous les roues du cambou. Regarde, maintenant il est tout mou. Ton chat est sous les roues du cambou. Au moins, il nous fera plus miaou. Ton chat est sous les roues du cambou. La voiture dans le jardin, les restes en dessous. Ton chat est sous les roues du cambou. On a mis le paillasson, sans en être jaloux. Ton chat est sous les roues du cambou. Aplati, comme une bouche d'égout. Ton chat est sous les roues du cambou. Du sang et des boyaux partout. Ton chat est sous les roues du cambou. Regarde, maintenant il est tout mou. Ton chat est sous les roues du cambou. Au moins, il nous fera plus miaou. Ton chat est sous les roues du cambou. La voiture dans le jardin, c'est reste en dessous. Ton chat est sous les roues du cambou. Le gueule va comme ça, il a crevé et puis c'est tout.